Je ne finirai pas, si j'entrais dans le détail, de toutes les folies que le souvenir de cette chère maman me faisait faire quand je n'étais plus sous ses yeux. Combien de fois j'ai baisé son lit en songeant qu'elle y avait couché, mes rideaux, tous les meubles de ma chambre, en songeant qu'ils étaient à elle, que sa belle main les avait touchés, le plancher même sur lequel je me prosternais, en songeant qu'elle y avait marché. Quelquefois même, en sa présence, il m'échappait des extravagances que le plus violent amour seul semblait pouvoir inspirer. Un jour, à table, au moment qu'elle avait mis un morceau dans la bouche, je m'écrie que j'y vois un cheveu. Elle rejette le morceau sur son assiette. Je m'en saisis avidement et l'avale. En un mot, de moi, à l'amant le plus passionné, il n'y avait qu'une différence unique, mais essentielle, et qui rend mon état presque inconcevable à la raison. J'étais revenu d'Italie, non tout à fait comme j'y étais allé, mais comme peut-être jamais à mon âge on en est revenu. J'en avais rapporté, non ma virginité, mais mon pucelage. J'avais senti le progrès des ans. Mon tempérament inquiet s'était enfin déclaré. Et sa première éruption, très involontaire, m'avait donné sur ma santé des alarmes qui peignent mieux que toute autre chose l'innocence dans laquelle j'avais vécu jusqu'alors. Bientôt rassuré, j'appris ce dangereux complément qui trompe la nature et sauve, aux jeunes gens de mon humeur, beaucoup de désordres, aux dépens de leur santé, de leur vigueur et quelquefois de leur vie. Ce vice, que la honte et la timidité trouvent si commode, a de plus un grand attrait pour les imaginations vives. C'est de disposer, pour ainsi dire, à leur gré, de tout le sexe et de faire servir à leur plaisir la beauté qui les tente sans avoir besoin d'obtenir son aveu. Séduit par ce funeste avantage, je travaillais à détruire la bonne constitution qu'avait rétablie en moi la nature et à qui j'avais donné le temps de se bien former. Qu'on ajoute à cette disposition le local de ma situation présente. Logé chez une jolie femme, caressant son image au fond de mon cœur, la voyant sans cesse dans la journée, le soir, entouré d'objets qui me la rappellent, couché dans un lit où je sais qu'elle a couché. Que de stimulant! Tel lecteur, qui s'il le représente, me regarde déjà comme à demi-mort. Tout au contraire, ce qui devait me perdre fut précisément ce qui me sauva, du moins pour un temps. Enivré du charme de vivre auprès d'elle, du désir ardent d'y passer mes jours, absente ou présente, je voyais toujours en elle une tendre mère, une sœur chérie, une délicieuse amie, et rien de plus. Je la voyais toujours ainsi, toujours la même, et ne voyais jamais qu'elle. Son image, toujours présente en mon cœur, n'y laissait place à nul autre. Elle était pour moi la seule femme qui fût au monde. Et l'extrême douceur des sentiments qu'elle m'inspirait, ne laissant pas à mes sens le temps de s'éveiller pour d'autres, me garantissait d'elle et de tout son sexe. En un mot, j'étais sage parce que je l'aimais. Sur ses effets, que je rends mal, dis ce qui pourra de quelle espèce était mon attachement pour elle. Pour moi, tout ce que j'en puis dire, c'est que s'il paraît déjà fort et extraordinaire, dans la suite, il le paraîtra beaucoup plus.